Doute.org. Hashtag. Avez-vous pensé à faire votre toucher rectal annuel? Appelez tout de suite Doute.org. 1-2-1-2, check, check. Est-ce que c'est bon, Yannick Lepage? Oh oui, ça va très bien, merci. Passe-les à Andy maintenant, s'il te plaît. Eh. Alors. J'ai jamais aussi drôle. Non, non, on commence okay, non, ça vite, correct. Là. Oh oui, c'est correct. OK. OK, c'est correct? Toi, parle dedans, toi. Parle dans ton micro. T'as le pied dessus, tu sais. Ben, j'avais le pied dessus jusqu'à temps que tu testes. Chance qu'on a testé, sinon il y aurait eu le pied dessus pendant toute la show. C'est ça. Tu vois? Donc, moi, je pense qu'on est prêt. On est prêt? Ben oui. Bon, ben, c'est parti. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bon lundi et soyez les bienvenus à 70%. Édition spéciale relâche ce soir. Merci de vous être déplacés pour y rester et merci à ceux qui nous écoutent via Ustream ou encore en podcast. 70%, ça se passe au Brouhaha 5860 de Laurimier à Montréal, métro Rosemont. Ça commence vers 19h, mais des fois, ça va à 19h15, là, un peu comme ce soir. Et mesdames, messieurs, suite à de nombreux commentaires reçus du genre « Ça manque de filles sur le stage », ben l'équipe de 70% remédia la situation rapidement. Et ce soir, l'invité E d'honneur de 70%, c'est une amie de la gang, c'est aussi une technicienne en santé animale. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir, s'il vous plaît, Jessie Bouchard à la table avec les gars ce soir. Aussi, ce soir, pour un soir seulement, for one night only, disparu depuis janvier pour des raisons d'éducation, ben il passe sa première soirée de semaine de relâche avec vous. Damien Basse-Bouchard est de retour pour ce soir. La soirée de visionnement douteux gratuit.org. Non, visionnement gratuit douteux.org, c'est tout de suite après 70%. Et ça se passe ce soir avec deux VJ, encore une fois. The Politifuckly Incorrects, André Forget et Stéphane P seront vos VJ ce soir. Donc, salut aux habitués, bienvenue au nouveau, mesdames, messieurs, place au spectacle. C'est 70%. C'est impossible d'avoir 110%, 70%. C'est beaucoup mieux que 63%, 70%. Les invités ont jamais de bon sens, 70%. Avec Tommy, c'est toujours à 100%. Ouais. Ici Paul Sarrazin, à 70%. Au moins 40% de plus que la plupart des notes que j'ai eues à l'école dans mon enfance. J'ai pas vraiment passé, mais 70%, j'aurais été content d'avoir ça. Est-ce qu'on y avait fait du bien à sa carrière, à ce gars-là? Hein? Ah ouais? Ah! Avant ça, on savait pas trop ça s'en allait où. Il vient à 70%, lui, il y a eu un flash. Toi, c'est ta première fois à 70%, hein? Ouais. Ouais, hein? Moi, j'ai mis une toune-thème qu'on n'entend pas très souvent, celle qui parle de moi. D'habitude, ça parle pas nécessairement de moi. Mais vu que c'est le mois de ma fête à moi, hein? On commence le mois de marche. Et comme je disais la semaine passée, faire attention dans les escaliers, ça marche. Et pour commencer ce 70%-là, il y a une tradition séculaire qui vient des débuts. Avant de présenter même Jessie, ce que je veux qu'on fasse, c'est tout le monde ensemble, même le monde dans la foule, là, je veux un superbe rire de retour à la maison. Tout le monde ensemble, là, ça va m'aider, là. Hein? Oh! On a du plaisir ici, là. Attends, le personnage de Jean-Marie Bleu-Pâle, on n'a jamais fait le tour. Hein? Ta gueule! Oh, Lynn. Donc, 70% commence sur une note très positive. On est loadé à soir, fait que là, je vous laisse pas prendre le micro à tour de rôle pour dire des fadaises qui mènent à rien. Moustapha, Damien, Mathieu, Jean-Sébastien, Andy, Simon Cussonnet seront vos chroniqueurs motivés. Bien sûr, je suis flanqué de l'inénarrable Bruno Corbin, lecteur de nouvelles, éditorial en chef. C'est-tu qu'ils sont hot, tes lunettes? Merci. Ça je les ai mis parce qu'ils matchent avec ma cravate. Et voilà. Hein? J'osais pas le dire. Quel homme soigné. Ce qui m'amène à notre invité de la soirée, mesdames, messieurs, Jessie Bouchard, s'il vous plaît. Fait que là, j'ai comme deux questions que je voulais te poser. Est-ce que tu joues à Magic? Oui. What? Oh! Non, non, t'as pas comme des decks à toi, puis... Oui. Je suis pas très douée, mais oui, je joue à Magic. J'ai des decks à moi. Aïe, il se passe quelque chose à soir en gris. À soir en manchette. Fait que. Fait que toi tu. Tu joues quelle couleur? Plutôt vert. Ah ouais, hein? T'aimes-tu les elfes? Ouais, je le savais. Mais là, je suis une fille, j'aime les animaux. Quelle couleur tu penses que j'aurais pris? Écureuil. Ouais, vert. Ok, c'est bon. Mais t'aimes-tu les elfes? Aussi, c'est bon. Ben, à World of Warcraft. On peut pas tout avoir, hein? Ben, je joue à World of Warcraft aussi. À quoi? À World of Warcraft. Wow! OK, est-ce que c'est vrai, ça, l'espèce de bullying en ligne contre les filles? Tu y as-tu goûté, toi, ça? Le quoi? Ben, l'intimidation contre les filles qui jouent non. à des jeux vidéo. T'as-tu déjà Oublie vécu ça? Ça, c'est l'inverse total. C'est toi qui intimide les jeunes de 13 ans, là? Non, en fait, c'est je suis une idole. Surtout du côté américain, parce que quand je parle en anglais, j'ai un méga accent de la mort vraiment laid. Ah, eux, ils sont mais pour eux autres, que... c'est sexy, genre. Ouais, c'est que, ça, ouais, ouais. Ouais, je comprends. Nous autres, on s'en crise, là. Mais voilà, son accent en anglais, là. On sait que ça vient de la Rive-Nord, genre, en tout cas. T'es né où, toi, tiens? À Saint-Georges-de-Beauce. Ah, OK. Ouais. OK. Mais j'ai perdu l'accent, donc... Ça, c'est nous autres qui décident. Toi, tu peux penser ce que tu veux, mais à date, ça va pas pire. Moi, j'avais pas remarqué rien. Bon, voilà. Et puis, toi, t'es une passionnée des animaux, là. Tu veux dire, tout ce qui a pas le droit de vote quand c'est majeur, toi, t'aimes ça, genre. C'est quoi, cette question-là? Ben, je parle d'animaux, c'est ça? Mais quoi qu'on ait des animaux, nous autres aussi, hein? Ben, à te regarder, oui, là. C'est quoi, c'est le poêle, genre? Ben, je sais pas, là, t'aurais peut-être besoin d'une petite tonte, là. Ouais, ben, je sais, elle est supposée passer à un moment donné ma coiffeuse. Moi, j'appellerais plus une toiletteuse, hein, mais... Ah, bon, c'est... Ben, c'est effectivement une toiletteuse, sa coiffeuse, en fait. Et voilà. Sans niaiser. La boucle est vraiment bouclée. Non, mais sinon, tu nous as amené des petites notes, parce que toi, tu travailles dans ce domaine-là depuis de nombreuses années. T'as eu le temps d'en voir des vertes, des meules, des pommes, d'en faire de la croustade, de faire de la compote, pis tout. Ouais. Oh ouais, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta vie, genre. De ma vie? Au travail. Au travail, ben oui. Ben, je dirais que je pense que ce qui m'a le plus marqué dans toute ma job de mes 13 ans, ça a été la fois où ce que je me suis fait appeler par un monsieur qui me dit « Ouais, j'ai pogné ma fille avec le chien, est-ce qu'elle peut être enceinte? » C'est comme, est-ce que je trouve ça insolence d'un téléphone? Est-ce que c'est une joke? Ben, qu'est-ce que t'as répondu? Parce qu'on aimerait ça le savoir, en fait. C'est quoi la réponse, pour vrai? Ben, non, là. Mais pourquoi puis, mettons, dans l'autre sens, est-ce que la chienne peut tomber enceinte, mettons? Non plus. OK. Mais ça, les Russes, ils avaient fait des expériences, hein? Toi, t'as écouté les Russes ont fait des expériences pour vrai, hein? Ils faisaient mater, mettons, ils faisaient... ils prenaient du sperme humain, puis ils mettaient ça dans une guenon, puis ils voulaient faire une race d'hommes singes super fort. C'est même pas de la science-fiction. Le fait qu'ils ont réussi, là, après ça, ça devient de la science-fiction, mais moi, j'y crois. Moi, je pense que Illuminati, Homme-Lézard... Homme-Lézard, crois-tu à ça, toi? Dans certains films. OK, ça fait. On restera pas longtemps là-dessus. Mais t'as d'autres anecdotes, s'il te plaît. Vas-y, on en prend d'autres avant de commencer le show. Oui, ben dans le fond, ma collègue de travail récemment s'est fait demander... Bon, la madame, elle appelle pour poser plein de questions et ça a fini par... Est-ce que tu fais des blowjobs? Et c'est comme... Okay, encore c'est... une fois, c'était comme... OK, c'est une joke, là. Mais le pire, c'est que le lendemain, moi, je l'ai appelé d'un téléphone qu'elle connaissait pas, puis je me suis mis à la niaiser. Elle la trouvait pas drôle. Bien, oui, tout le monde sait que toutes les filles font des blowjobs. Là. Je veux dire, c'est comme, mettons, la question conne d'avant. Là. Continue, non, mais il y a même des gars qui en font. Oui, oui, ben c'est à la possibilité de non, toutes mais, les bouches. Mais en fait, oui, c'est ça, moi, je voulais savoir. Est-ce qu'elle en fait, finalement? Ben, malheureusement, j'ai jamais su la réponse. Ah, OK. Donc, je peux pas répondre. Je te garantis elle. Que oui, ouais, c'est correct. On passe à la prochaine. Let's go, une autre anecdote. Mon ben là, t'en chat... as fait deux. OK. Mais non, mais... Ah, t'as des papiers d'anecdote. Que je te tienne quelque chose? Non, c'est correct. Ah, ça m'aurait fait plaisir de te tenir quelque chose. Non, c'est pas une anecdote, c'est plus une question rhétorique souvent qui revient... la question typique qui revient souvent, genre, je me fais appeler « Ouais, mon chat mange pas depuis 7 jours, je devrais m'inquiéter ou pas? » Ben, Chris, il est mort. il est pas fort. Puis de deux, je comme, toi, tu manges pas pendant 7 jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Premièrement, vas-tu attendre 7 jours? Non, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui que là, t'as dit c'est le temps d'agir par rapport à quand elle crevait de faim? Souvent, c'est les gens attendent la dernière minute énormément, là. Boy, oui, hein, 70%, hein? Ah, plus que 70%. Non, 68, tu veux dire, genre? 69. Tu dis tous les gens, 70% des gens attendent à la dernière minute. Oui. OK, mais moi, ce que je te dis, c'est que 100% des gens vivent à 70%, genre. C'est plus ça que je suis en train ça de te dire. Ça revient au même, là. Ça revient... Je pense que j'ai plus raison que toi, là. On fera les maths une autre fois, à un moment donné. Mais une autre anecdote? Une autre anecdote. Ben, j'ai pas... Elle est toute gênée. Colin! Mais là! Oh! T'étais supposé de me poser des questions, là. Ben, je t'en ai posé plein. Tu joues à Magic. OK, ben... Tu veux-tu savoir... Ah oui, j'ai une autre anecdote! Yes! On a gagné, ici! Mais c'est la dernière. C'est correct. Après, je vais arrêter de t'achaler. Mais non, c'est le petit monsieur qui m'appelle pour savoir l'écureuil pas de poils dans la rue, est-ce qu'il est contagieux? Mais c'est comme, t'agis pas puis tu vas être correct? Ouais, ça parce aussi, que sinon il était en train de courir à peine. Non, mais c'était vraiment comme, il était vraiment très intense. Ou, ah, les gens qui m'appellent pour dire pour me demander, ah, mon chat a tel problème, là, moi je pense que je l'ai. Mais c'est parce qu'on n'est pas médecin, on est vétérinaire, donc... Appelle ton médecin! Ouais, parce que quand la maladie... Ça existe pas, des maladies qui transfèrent. Mais shit, oui, même. Ouais. Ah ouais, la majorité des grosses souches de grippe... OK, on est en train de me dire que peut-être je suis en train de me tromper en disant ça. Peut-être que c'est fucking dans le champ, je pense que c'est ça qu'on est en train de te dire. Non, pas le sida, non. Le sida, ça vient des singes. Les perroquets, je sais pas qui a dit, mais oui, les perroquets, il y a la grippe. C'est pas une grippe, là, c'est une maladie pulmonaire, c'est une bactérie qui s'appelle abscessie. Puis ça peut être transmise aux humains. Sinon, il y a la teigne, qui est un champignon fréquent que les chats ont, mais qui vont pas développer nécessairement, qu'on peut attraper. La rage. Toxoplasmose. Ça vient avec des la toxoplasmose, souvent, les gens vont l'attraper en mangeant des légumes directs du jardin ou avec la viande. Quand tu... Viande de chat. Non, poulet, etc. Donc, le fameux mythe de t'as un chat, t'es enceinte, tu te débarrasses du chat, c'est pas vrai pantoute, là. T'as pas de besoin de te débarrasser du chat, t'as juste besoin que ton chum fasse la litière. Ah puis c'est ton. Ouais. Fait qu'il faut que tu te débarrasses du chat, hein, c'est ça que t'es en train de me dire. Fait qu'une mère monoparentale, c'est encore plus cruel aussi, genre. Non, parce que en fait, la toxoplasmose, le mode de transmission, c'est qu'il faut que tu manges des œufs, puis les œufs sont dans le caca. Fait qu'il faudrait que t'ailles mettre tes mains dans le caca, puis t'ailles mettre dans ta bouche après. Fait qu'à moins d'être vraiment très mal propre. Puis ils font juste désolé au Japon, à tous les gens qui sont en train de manger actuellement. Mais non, c'est ça. Et voilà. C'est peut-être la bonne nouvelle qu'on vient d'avoir à soi. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Tu restes avec nous autres pour le show. Si t'as d'autres envie de parler, c'est sûr que je vais aller t'achaler. Sinon, ben, hésite pas à aller épiner eux autres parce que tu vas voir la gang de poilus que j'ai nommé tantôt. Ils s'en viennent. Mais on commence avec mon préféré. Ok, cette tune-là de nouvelles est vraiment trop intense. Ouais, elle te ressemble pas. Non. Puis surtout que ce soir en manchette, on parle de drogue, de feu puis de heavy metal. T'as-tu quelque chose contre le heavy metal? J'ai rien contre le heavy metal. Moi, je ne suis que le messager. D'accord. C'est vrai, il est bon là-dedans en plus. Let's go, Bruno! Oui, alors afin de se débarrasser d'un serpent qui s'est introduit dans sa caravane, une femme de Berry Springs a allumé un feu sous sa demeure quand le prévisible est survenu. La femme aurait d'abord contacté les autorités, mais après que des spécialistes soient passés dans sa, caravane, sans trouver le squamate coupable, la femme a décidé de prendre les choses en main. Elle a alors allumé un feu sous sa caravane pour faire peur aux serpents, incinérant entièrement la dite caravane. Tu sais que les serpents adorent la chaleur, donc... Elle le savait pas. Le problème, il est au bout, à l'autre bout de la nouvelle. Genre. Personne n'a toutefois été blessé. Aucune nouvelle du serpent. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Hey man, on a eu l'alcool aurait joué un rôle et le prévisible est arrivé dans la même nouvelle. J'aime ça. On est en zone classique. Let's go next. Oui, la police n'a pas arrêté un homme de Turkwala dans l'état de Washington après qu'il soit entré en collision avec une clôture et un poteau électrique avec sa voiture. Lorsque la police est arrivée sur les lieux de l'accident, l'homme leur a affirmé que la raison de la collision était qu'il suivait un hibou. Encore je te jure! Fouille, on va le retrouver! L'alcool n'aurait étrangement pas joué de rôle dans cet incident. Aïe, aïe. Puis la drogue, elle? L'histoire le dit pas, mais on pense que non. Le hibou, man. 75 km/h qui allait, le hibou, ouais, d'ailleurs. Mais encore là, le... Ce qui fait de lui un hibou illuminati. Exactement. Ben, c'est de jour ou de soir, cette nouvelle-là? Ben, j'imagine que c'est de soir, parce que c'est un hibou, mais... C'est ça, les hibou, ça vole pas le jour, ça dort, donc... Ouais. Puis le soir, tu peux pas vraiment le voir, ton hibou. C'est vraiment le fun que j'aille deux nouvelles animalières pour commencer le show. Ce soir, j'avais même pas pensé. Ça va super bien, ça va super bien. Let's go, une petite dernière. Oui, des docteurs suédois ont finalement accepté de diagnostiquer le premier cas de dépendance au heavy metal. Stay with me. Roger Tullgren affirme qu'il tente de faire reconnaître sa condition médicale depuis 10 ans. Tullgren est maintenant éligible à des bénéfices d'invalidité ainsi qu'à une autorisation spéciale pour donner libre cours à ses besoins de métal au travail. L'homme qui a assisté à environ 300 concerts l'an dernier affirme être content de pouvoir porter son linge de poêle au travail. Mais puis on espère aussi que ça va paver la voie vers toutes sortes d'autres déviances weird, là. Totalement. Ouais, c'est une petite calice. J'ai pas le choix de m'habiller en furries, moi. Écoute, à chacun les siennes. Merci beaucoup, Bruno. On se revoit plus tard dans l'émission. Tu trouves que t'es habillé en furries, là, en ce moment? Non, je suis habillé en Ghostbuster. Beastie Boy. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Tommy? Ah, ça va, Andy, merci. Ben, merci. Merci pour tes bons souhaits. J'aime vraiment ta chanson de chat. Ouais, ouais, elle, bon, elle me suit depuis un bout. Ouais. Ben, bonne fête. Ben, merci, c'est ça. Merci pour tes bons souhaits. Tu as eu un téléphone en plus, vas-tu nous en parler? Non, je pense pas. Je le maîtrise pas assez bien pour que je le montre à tout le monde. Non, sauf que c'est merci. Sur Facebook en mode public, par exemple. C'est ma grandeur qui fait que. Ben ce soir, écoute, j'ai juste fait un ramassis de chialage puis de pensées. Je suis assez schizoïde, puis la semaine passée, je pensais à Pierre Légaré, puis ça m'a comme amené plein d'idées. Ah, oh, c'est apprécié, hein? Ouais. Ça te rajeunit pas, ça. Non, vraiment pas. OK, let's go. Mais je vais commencer avec du chialage métroïdienne, que j'appelle. Oh non, ça parle pas de Metroid. Je me suis rendu compte... Je me suis rendu compte que les humains, à 8h le matin, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui travaillent, à part tous ceux qui sont à l'école, qui sont comme cette semaine en relâche. À 8h le matin, il y a énormément de monde, genre énormément de monde, puis qui me tape vraiment énormément ses nerfs, genre. Tellement qu'à un certain point, je me suis dit « Hey, fuck, man, c'est peut-être moi qui leur tape ses nerfs. » Puis j'ai comme cliqué que j'ai coupé du... Ben, regarde, tu vois, il y en a un, genre. Par contre... j'ai remarqué aussi que si t'es obligé quand tu rentres dans un wagon de métro, si t'es obligé de pousser du monde pour prendre ta place dans le wagon, là, ça se peut que t'es trop, genre. Ouais, ouais. Ça se pourrait très bien. Puis généralement, c'est moi qui est à côté de toi. Fait que si t'entends. T'es proche pas mal. Ça, c'est parce que je t'aime. À l'aise. J'espère que tu t'es brossé les dents avant. Jamais. Il y a des pique-bœuf, lui. Je sais pas si vous allez à Bonaventure avant. C'était plus à Berry-UQAM, mais c'est déplacé, je sais pas comment. Sûrement parce qu'il y a un ascenseur, là. Si vous remarquez une dame handicapée en chaise roulante qui vous tend les mains comme ça, la face crispée. Ouais, je vois. Pouvez-vous, pour l'amour de tous les dieux qui existent, vous arrêter, s'il vous plaît? Ça fait 30 fois à peu près là, que je m'arrête. Et aujourd'hui, je l'ai refaite encore. Fait que je la voyais vraiment de loin. Là. On est à Bonaventure, je la vois là, comme ça. Puis tu changes même pas de sortie, man. T'es un héros. Puis il y a comme plein de monde. Le pic qui va vous arriver, je vais vous le dire, là, parce que je suis rendu avec l'expérience. Le pic qui va vous arriver, c'est soit qu'elle vous demande de la redresser, fait que vous la replacez, soit que vous devez lui replacer les jambes. C'est pas si creep que ça, elle pue pas. Ou, et là je sais, c'est super compliqué, mais ça se peut qu'elle vous demande l'heure. Fait qu'il faut regarder l'heure puis lui dire l'heure, parce qu'elle sait pas les. Fait que, s'il vous plaît, sérieux, ça fait super longtemps que je pensais en parler, puis je pense que c'est un bon tribut pour en parler. Sortir, là, pouvez-vous, ben oui, pour l'amour du Saint-Ciel, l'aider? Du Saint-Ciel, lui. On s'en va au bout de Pierre Légaré. Je réfléchissais. I get it. Il y a 400 calories dans un sachet de ramen, en passant. Puis il y a 1800 mg de sodium, alors que l'apport qu'on a besoin en tant qu'être humain normal de 15 à 50 ans, c'est 1500 mg dans un sachet. Fait que... Hein? Je pensais à ça. Le roi Édouard VIII... Il a dû renoncer à son trône en 1938 pour marier Wallis Simpson, qui était deux fois divorcé. Puis ils sont restés ensemble 35 ans, mais ça a l'air, si on avait été là, c'était la pire affaire possible. Ils ne pouvaient pas la marier en étant roi, fait qu'il a fallu qu'il renonce à son trône. Plus de ça, ils ont demandé aux six dominions, qui on en fait partie, on est assez fiers, puis on n'a pas accepté parce qu'on était comme, mais non, oui, on va le faire. Parce qu'on s'en crissait. Non, on n'a pas accepté. Qu'il reste roi. Non, on s'en crissait pas pantoute. On s'en crissait pas pantoute. Tellement pas qu'on a refusé. On a refusé. Mais à quelque là. Part, on s'en crissait. Non. Oh oui, ben oui. Autre temps, autre mœurs. Ça, c'est pour les ceux qui trippent informatique. Là. Ça m'arrive souvent, puis très souvent, de regarder l'heure à 13h37 puis de me trouver hot en crisse. Ça, c'est une belle confession. Ça, on y donne. Ah oh, ouais. Là, je suis déçu parce que Toto est pas là pour faire du Michel Baudry parce que je voulais contrer son Michel Baudry avec les petites vitres bernachéennes. Parce que je sais pas si vous connaissez Julien Bernatchez. Oui. Parfait. Fait que si vous le connaissez, ça. Ah, il y en a trois. Ben Julien, il y en a trois. Non, le monde qui le connaît. Ah, le monde qui le connaît. Ben bande pensante. Fait que je me suis dit, je vais rider sur... Ça monte à 4! C'est ça. Ben, je vais rider sur sa vague. Je vais rider sur sa vague de popularité. Donc, avoir 4 nouveaux amis. En disant ses statuts, donc... et j'ai des grands instants de lucidité. Il y a beaucoup de films sur les zombies, mais très peu sur les zombies. Pensez-y. Et le film des Lego pogne tellement... Il devrait en faire des jouets. Sur ce, bonne soirée. Merci beaucoup, Andy. On a parlé de Lego. Est-ce que tu es une fan de Lego, toi, Jessie? Quand j'étais petite? Nah, tu penses à cette ta Magic déjà, hein? Non, mais... Ouais, elle joue à Magic, ouais. Je suis tout le temps à Magic. Oh, est-ce qui est infatigante avec ça, mesdames et messieurs? Non, en fait, ces temps-ci, je joue Vous à... Est-ce que je peux glisser un 10$ dans ces culottes? Y a quelqu'un qui a un 10 à me prêter? Allô, allô, allô, allô, allô, allô, hey, hey, hey, wow, wow! C'est l'heure de ma présentation. Et pourquoi c'est l'heure de ma présentation? Parce que c'est mon tour. Et pourquoi c'est mon tour? Parce que je suis moi-même. Moi-même, je suis orienteur. Oui, mesdames et messieurs, je suis orienteur. J'oriente les jeunes. J'oriente les jeunes. Puis je vois que la salle est pleine de gens de 15 ans. Hein? Qui ont besoin de se faire orienter selon un test de personnalité chronique qui va dire si vous êtes quelqu'un d'entreprenant à profil social ou à profil artistique. Créer des entreprises, créer des nouvelles idées, créer des graphiques. J'ai un graphique tantôt, je vais vous le montrer. Mais pour l'instant, ma job, c'est toi, le jeune de 15 ans, t'as trouvé une job. Je vais pas le faire à ta place. Je vais pas le faire à ta place, c'est toi-même qui vas le faire. C'est toi-même qui vas le faire. Pourquoi? Parce que moi, ça c'est mou. Je veux te donner confiance. Pas te trouver une job, c'est toi qui vas la trouver. Toi qui vas la trouver. Hein? Parce que moi, au début, j'ai pas étudié pour être orienteur. J'ai pas étudié pour être orienteur ben tout. Y a pas de job là-dedans. OK? Moi, j'ai étudié en loisir au programme ARC. ARC, n'est-ce pas que t'as étudié? Toi-même, Tommy, tu me disais que t'as étudié le programme ARC à l'UQAM. Ça m'a permis d'envoyer plus de CV que j'aurais jamais cru. Plus le monde cru. Chier que jamais dans ta vie. Et le programme ARC, c'est un acronyme des lettres A-R-K. Animation, recherche, kayak. OK? 10 ans après, j'ai tellement cherché de job que j'en ai pas trouvé. OK? Et puis j'ai décidé d'aider les autres à chercher de la job. C'est devenu ça ma job. Fait qu'aujourd'hui, je suis plein de ressources, OK? Le gouvernement est reptilien, le Canadien de Montréal va te choquer en série, mais je suis là et les ressources sont là. Et c'est pourquoi j'aurais besoin de mon graphique, mesdames et messieurs. Graphique! Oh oui, hein? Alors, ce que j'ai ici, c'est le marché de l'emploi en 2020. L'axe des Y est l'axe de l'assimivivalarité et l'axe des X est de l'axe de l'adaptabilité, OK? La bande verte, c'est la chose la plus prenante pour le regard. Alors, ça, c'est l'irréversibilité de l'emploi. Comme vous voyez, j'ai mis du tape, là, le tape, il continue. Ça veut dire que ça va par là, OK? Ça va par là, OK? Alors, d'un côté, on a l'axe de l'offre, qui est de l'axe de la persistance. Et l'axe des Y, c'est l'axe de la procrastination. Ce qui fait qu'en haut, si tu te situes en haut de l'irréversibilité de l'emploi, ça fait que t'es dans la persistance, OK? Alors que si t'es en dessous de l'axe de l'irréversibilité d'emploi, t'es dans la percrastination, OK? Vous pouvez voir que mon teneur de graphique a froid en haut, mais a chaud en bas. OK? Ça veut dire que si tu vas trop bas dans l'irréversibilité de l'emploi, ça se peut que tu perdes tes repères et que tu sois obligé, comme moi, de montrer tes cuisses. Tandis que si t'es en haut, tu trouves pas de job puis t'es malheureux, ça se peut que tu sois un peu froid puis que t'as un regard d'inuit comme ça qui fait C'est ça! Tu peux aller t'asseoir, merci! Simon qui sonnait, belle jambe, merci! Alors, pour terminer, moi ce que je veux, c'est que je vois en fait des gens de 15 ans dans la salle, puis j'ai envie que, je le ferai pas pour vous autres, mais c'est vous-même qui allez vous trouver une job, et c'est pourquoi j'aimerais terminer la séance en chanson. Attendez, j'ai les paroles ici. Alors Yannick, mon cher Yannick, si tu peux me partir la toune, je vais la chanter. Marché de l'emploi. Oh, comme c'est bien de sentir des structures qui nous protègent et nous définissent. Mais moi, je cherche et je ne trouve pas d'emploi. Utilise tes ressources à ta disposition, ouais. Tu es entreprenant, mais artistique peut-être, oui. Mais le plus important, c'est d'être social. Merci! Damien Blas-Bouchard, mesdames, messieurs! C'est ça, ça me fait penser... C'est le fun, hein? Il y a des beaux messieurs! Ouais, mais ça me fait penser... de pas choisir la job que je fais. Parce que... Hein? Ouais, parce qu'on est... Les gens croient à travers qu'on est payé super hot, là, mais ben non. Ben oui, t'es technicienne, c'est non, sûr. Non, j'ai... vrai. Voyons donc, hey. Si je fais 20 000 4 par mois de vacances par année, c'est sûr. Si je fais 20 000 par année, je suis chanceuse. Pis c'est quoi qui peut faire que tu fais 20 000 pis que t'es chanceuse? Ça prend des animaux malades, genre? Non, en fait, pour avoir un meilleur salaire, ça prendrait des gens qui accepteraient de payer pour leurs animaux. Fait que c'est pas un... Si t'as des clients qui te demandent, tu sais, des jeunes de 15 ans qui veulent faire ce job-là, là, c'est... 2020, c'est comme... Le marché de l'emploi. Ouais, ah. Toi, t'es en phase de précrastination. Le pire crastin. Procrastination. Mais en tout cas, non, mais ça reste quand même un sujet, c'est sûr, là, on prend pour acquis que ouais, puis finalement... Non, tu sais. C'est ça. Ouais. Fait que s'il y a quelqu'un qui laisse son enfant de moins de 18 ans écouter le show, c'est sûrement un de mes amis à moi, puis que je le connais pas. Mais sinon, écoutez les conseils d'une pro. Oui. بنشيم خبى الشمس بكر شي مالي عازي بس مش مطول غدا يوم افضل يوم افضل. Hey, salut tout le monde. Salam alaikum. Non, je dis plus ça. Ah non, ouais. Je dis plus ça, j'ai vu la lumière. J'ai été guéri finalement. Hey, c'est plate que Toto soit pas là. Ouais, je sais. j'ai besoin d'une réponse parce que je sais qu'il y a juste comme du monde comme vous qui pourrait me répondre à ça. Mes boss sont de quelle couleur? Ils sont. I see what you did there. Hey, sérieux, il y a vraiment des affaires plus importantes que parler de ça. Non, mais c'est parce que j'ai compris récemment que il y a certaines questions dans la vie qui peuvent être juste répondues par des hommes blancs. Ben, à date, t'es équipé pour. Non, regarde, j'ai l'air d'un blanc, mais ça, c'est parce qu'il y en a une couple qui ont pensé à l'avance. On appelle ça les Francs. Ils sont passés par mon territoire, les territoires où je suis né quand j'étais jeune, puis ils ont tous violé mes ancêtres, là. Fait qu'ils ont laissé un peu de leur trace. C'est le fun. T'es qui pense à l'avance. Hey, il faut être blanc pour penser à l'avance de même, là, 2000 ans en avance. C'est magique. Je les remercie. Je les remercie pour la peau qu'ils m'ont donnée. Comme ça, j'ai l'air d'être un d'entre vous. T'es con. Mais j'ai besoin de changer de nom encore, fait que les votes vont rentrer. Je pense Steve. Steve, c'est bon. Steve, mais mon nom de famille, je suis pas là. Tremblay. Tremblay, c'est Steve Tremblay. Steve Tremblay, à soir, mesdames et messieurs. Moi, je veux dire comme Mustapha Chamli, je dirais genre Michel Charest. Ah ouais, c'est bon. Je veux pas garder les mêmes initiales, t'sais, je veux pas confondre le monde. Steve Tremblay. Puis Charest, c'est pas trendy ces temps-ci, trop. Ah non, c'est vrai. Non, la raison que j'en parle, c'est parce que j'ai, après un nombre d'interventions et de discussions avec des gens comme aussi brillants que Toto. quoi? Toto, Dédé, Michou, des gens qui ont quatre noms dans leur nom, Thierry. Tout ce monde-là, ils m'ont fait reconnaître que j'ai grandi avec un problème, puis j'étais pas capable de le reconnaître. Fait qu'il faut que je fasse un aveu à soir. Mesdames et messieurs, enfin, j'ai été voilé. Domination. Non, j'étais voilé, puis merci, grâce à l'homme blanc, j'ai appris qu'il fallait que je me dévoile de ce mensonge que je vis depuis toute ma vie. Donc le mensonge d'être arabe. Parce qu'on s'entend, le blanc de même, je peux pas être arabe. Non, je peux pas, aucunement. Puis l'islam, c'est un mensonge. Fait que ce que j'ai fait... ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une louange. À qui? À l'homme blanc? À l'homme blanc. Oh ouais, on est à l'aise, let's ça go. Ça me tente de vous la lire. Est-ce que ça vous tente de l'entendre? Ah oui. Je vous entends pas assez. Est-ce que ça vous tente de l'entendre? Ouais! Ça tout, me fait... tout pour nous remonter le moral, s'il te plaît, Mustapha. Vous êtes tellement beau quand vous dites oui, les blancs. Vous êtes tellement beau. J'aimerais ça être blanche comme vous, là. Fait que ça commence. Ouais, mais moi, si j'ai pas envie de l'entendre. Ah, fuck, t'écoutes pareil, parce que quand t'es une femme blanche, t'as pas autant de puissance que l'homme blanc. T'as pas le droit de parler. C'est comme ça que ça marche, c'est l'homme blanc. Puis si une femme blanche essaie de parler, il lui dit de se taire. On grandit un peu. Alors, you've been Mustapha. Vous étiez pas au courant ou... Bon, ouais, let's go, Mustapha. On écoute tes louanges. OK, on écoute, on écoute. Gloire à toi, ô homme blanc, qui m'a sauvé, moi, petit nègre du désert. Moi, sauvage, insouciant. Pourquoi il y a de l'écho dans ma voix? Ben, c'est pour le louange, c'est okay, c'est bon, c'est excellent. Moi, sans culture ou civilisation, de moi-même et ceux qui me ressemblent. Gloire à ta compréhension parfaite du texte écrit dans une langue dont la maîtrise te dépasse, contrairement à ta maîtrise sans pair de la tienne. Gloires et louanges à ta peau parfaite, comme le lait soi-disant divin du texte mensonger dont tu m'as sauvé. Gloire à tes pas de danse et ta culture que tu n'as aucunement volée à d'autres civilisations et peuplades. Et merci de m'indiquer ce qu'est la culture de mon alimentation, tout en me disant que c'est super santé! Trademark. Béni sois-tu de partir en guerre de manière altruiste, et non pour des raisons bidons, comme de la haine pittoresque, ou un désir précaire d'un enrichissement monétaire, ou même pour quelque chose d'aussi nébuleux et temporel que la langue parlée. Gloire et louange à toi, vrai homme blanc, mâle, alpha d'Amérique et d'Europe. Envoyez donc, ça c'est un amen laïque. Envoyez donc. Puis c'est pas mal ça, merci. Merci. Merci, merci homme blanc. Merci l'homme blanc de m'avoir fait voir la vérité, merci. Ça nous a fait plaisir. Vous êtes tellement beau, vous êtes tellement beau. Ah, vous êtes tellement beau. Va t'asseoir là. Merci beaucoup, Mustapha Chamli. Oui, ouais, certain. Est-ce que Chinook est dans la place? Non, Chinook n'est pas arrivé. Il m'a envoyé un message. Je vais avoir une couple de minutes de retard. Bon, ben ça veut dire qu'on va en passer un autre en attendant. T'es en train de swiper à gauche, toi, là. Parce que mon téléphone sert à faire ma chronique et à prendre tous nos visuels. Et voilà. Faut que je scroll. Ah, là, je suis arrivé. Wouh! Bon. Je pensais que t'étais sur Tinder. Non. Bon, ben, ce qui jouait, c'était la chanson Accélérateur de Belgazou. Hein? On connaît tous Belgazou, mais ça, c'est sa chanson très salace qui, grosso modo, a dit qu'elle a envie d'une bonne petite baise. C'est spécial de Belgazou. Appuie sur l'accélérateur. Ouais, elle dit « Je veux pas de problème, je veux pas que tu m'aimes, je veux faire peur à mon sexe. » Elle dit ça littéralement. Elle est assez audacieuse. Ah ouais, fisting pis tout. Tout. Caroline, hein? Donc, on va passer à l'Homélie Wham! Wouhou! L'Homélie Wham! C'est l'heure de la sainte parole de Georges pis l'autre gars. Alors, George Michael dit que lui, l'autre gars, il attire les jeunes femmes et lui, il a plus l'habitude d'attirer les vieilles femmes. Ça, c'est George qui dit ça. Et Andy, l'autre gars, aussi reçoit toute la fan mail des jeunes adolescentes. Fait que George, il finit en disant en général, moi, je finis avec les filles dans les clubs, ce qui est beaucoup mieux que d'avoir de la fan mail parce que tu peux pas te coller après la fan mail. Effectivement, effectivement. Ben, techniquement, tu peux, là. Ouais, c'est sûr, là, mais. C'est moi, je dors avec mes factures tout le temps. C'est tellement convenant de George Michael, tu sais. On sait tous que George Michael n'aime pas les femmes, mais il vivait encore dans le garde-robe à cette époque-là. Et voilà, ben c'est important pour vendre. C'était à l'époque aussi où il mettait des moineaux de badminton dans ses shorts pour avoir l'air d'en avoir une plus impressionnante. Puis il dit en plus, avec une coupe de verre de vin, ben je suis à n'importe qui pour la soirée. Oh. George. Ça veut dire qu'il est achetable par quand on le saoule. C'est ça. Puis okay. Andy lui dit « Je suis un lover fantastique et je le dis en toute honnêteté. » Ah! Ah! Ah! Tu vois, il est humble, hein? Ben oui. Il est très, très humble. Ça, c'est comme la semaine passée, il aime manipuler les jeunes femmes parce qu'elles sont plus faciles, tu sais. Ouais. Ça, ouais, Andy, ça c'était romantique. C'est ça. Romantique, Andy. Hein? Les Andy sont très romantiques. Alors, on passe à la correspondance, les Spotted et les Sextos des années 80 du magazine Wow, 1986. On espère encore trouver quelqu'un qui va avoir si vous écrit. Vous reconnaissez ou vous connaissez quelqu'un, faites-nous signe, on aimerait ça les voir. Alors, ça commence avec « Avis urgent, à ceux qui veulent écrire en quatrième vitesse, j'adore écrire. Si ce n'était que de moi, je passerais une bonne partie de la journée à répondre à mes correspondants, correspondantes. » comme tu vois, je suis un peu viré sur le top. Ouais! Ouais, ça mérite une gorgée, ça. Viré sur le top, ça ouais, mérite une gorgée. C'est pas dans ceux qu'on voit les plus souvent, mais ça va faire partie de la catégorie des autres. Ah, j'aime ça, la grande catégorie ouais, des autres. Ouais, c'est les funky, puis les péter sa coche. Non, pas péter, mais... Péter sa coche, hein? C'est péter. Viré sur le top, c'est ça. Viré sur le top, ça, c'est l'autre dans les autres. Ouais. On l'a déjà eu, celle-là. Ça me va, ça me va. Alors, bon, OK. Fait que ça, c'était... Mes correspondants, comme tu vois, je peux vérifier ça. Alors, écris-moi et sois sûr qu'on rigolera un coup ensemble. Je suis à la mode. Ah! Je sais pas ce que ça veut dire, hein, quand le monde dit ça. Ça je veut suis dire à qu'elle mode. Achète ce que les je suis conformiste, c'est ça que ça veut dire. Ouais, exactement. Je suis à la mode, j'ai 12 ans. Les gars m'intéressent. Je les intéresse aussi, en général. Il y a du monde, ouais. Elle, les gars l'intéressent en particulier? Ben, elle dit que les gars, ça m'intéresse, mais que les gars aussi, ils la trouvent intéressante. En général. Ouais, en général. Okay. Pour le reste, écris-moi et tu sauras tout ce que tu veux. Marie-Ève Monfette de Beauport. Oh, salut Marie-Ève. Ben, connais quelqu'un? Tu peux poser bien des questions à Marie-Ève. Je vais tout savoir. Ben willing. Ensuite, SOS. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de beaux gars qui écrivent pour avoir des correspondantes. Allez, let's go! Écrivez et envoyez votre photo. Surtout au sosie de Platinum Blonde. Yes! Qui était... On prend une petite shot pour Platinum Blonde. Une petite gorgée pour Platinum Blonde. Surtout au sosie de Platinum Blonde qui était dans le Wow au mois de février à la page 31. Celui en haut, à gauche, qui pointe du doigt avec la revue Wow dans les mains, qui avait comme première page... Ah, oh, c'est-tu que c'est de la description? Aïe. Springsteen! Alors, c'est de toi que j'attends des nouvelles. Stalker, s'il vous plaît, écris et donne ton adresse pour que je puisse te répondre. N'oublie pas ta photo. PS, j'ai 15 ans et je suis sérieuse. Je veux ton adresse. Creepy. Bye! Une fille qui t'adore, même si je ne te connais pas. Sapristi, mon gars. Écrit dans avis de recherche dans Wow. As-tu besoin de le préciser, Calice? C'est vraiment louche, cette histoire-là. Ouais. Après ça, une autre. Allô? Je voudrais correspondre avec des gars et des filles de 15 à 17 ans qui aiment toutes sortes de musique et qui aiment faire le ou la folle de temps en temps. Comme dirait mon ami Eric Carmen, Chris Lagrande, t'auras pas de bizarre à trouver des femmes folles. Ouais, asti que j'aime faire mon imitation d'Eric Carmen, là, c'est vraiment une de mes meilleures. Après ça, elle dit « Moi, j'ai 15 ans et je profite de ma jeunesse. Tu aimes? » Des fois, là, ça fait pas okay, trop sens. OK, tu aimes, point d'interrogation. Ouais, ouais. Est-ce que t'aimes ça, les jeunes filles de 15 ans qui profitent de leur jeunesse? C'est ça. T'es-tu un hater, dans le fond? C'est Est-ce ça qu'elle demande. Exactement, hater? Oui. Mais ouais. Dans les années 80. C'est ça. Alors, voici mon adresse. Je la dirai pas. Julie Tremblay, de Beauport. Deux de Beauport? De Beauport. Ah, ben. La ville de Beauport. Mais ça fait deux. Non, mais ensuite, ça fait deux. C'est un spothead. Recherchons Dada. Tu es une fille de Gaspé. Tu te prénommes en réalité Linda. Il y en a plus beaucoup des Linda, hein? On t'a rencontré cet été au cirque de Gaspé. Un cirque à Gaspé. J'étais pas au courant. C'est quoi, ils ont des phoques à Gaspé, esti? Je sais pas, man. En tout cas, tu étais au cirque de Gaspé. Tu as les cheveux châtains et les yeux noisettes. Assez grande et assez belle. Tu es née le 17 octobre, mais tu n'as jamais voulu nous dire ton âge environ 16 ans. Un peu creepy, lui, avec, hein? Il en sait un peu trop. Tu te reconnais, point d'interrogation? On pense à toi et on aimerait bien te revoir. Écris-nous à Éric Boali et Marc-Andréno de Repentigny. Fait que c'était un MMF. C'était pas mal ça, ouais. C'était un MMF, oh, je ouais. croirais bien. Un petit dernier? Un avant-dernier. Non. Let's go, vite. Avis de recherche, tu t'appelles Jean et tu étais le sosie de Rod Stewart samedi le 15 février à Pop Express. Moi, qui suis une très grande fan, j'ai été contente que tu sois gagné. Tu dois être un fan, toi aussi. Non. Un gars qui se déguise en Rod Stewart en 86, je pense qu'il faut que tu sois fan en tabarnak, mon gars. Sinon, tu te prépares à te faire achaler solide. Pas mal. Alors, si tu pouvais m'écrire et m'envoyer ta photo, ton âge, ton nom, etc., je serais très heureuse. On pourrait correspondre et même se voir un jour. S'il vous plaît, réponds-moi, Linda Ouellette de Brossard. Elle aussi était un peu désespérée, je pense, hein? Tabarnak, hein? Ensuite, avis gars! Je m'appelle Annick et je suis en secondaire 3. Je suis à la recherche de gars de 12 à 16 ans. Pas nécessaire d'être beau. J'aime tout le monde. C'est même pas vrai. Mais j'aimerais que tu sois un peu prep. J'adore danser. Corey Hart et Brian. J'imagine que c'est Brian Hart parce qu'elle précise pas que c'est quelqu'un d'autre. Brian Adams? Non, elle dit Corey Hart et Brian. J'imagine que ce sont ouais, frères. Brian Hart. C'est ça, ouais, c'est ça. J'ai les cheveux bruns pis je suis pas laide. Ouh. Je suis flyé! Yeah! Réponse assurée, Annick Roussin de Saint-Eustache. Puis, je vais terminer en disant que la semaine prochaine, je fais une grande première ici avec l'aide de Bruno, mais je vous en dis pas plus, puis je vous garde ceux qui vivent. Ça va être de toute beauté et ça va être visuel. Vous devez vous présenter sur place. Et voilà, ça s'en vient la semaine prochaine. J'aurais aimé ça être mis au courant, mais bon. Oh, c'est simple. Merci beaucoup, Jean-Sébastien! Sinon, il y a une affaire bien importante à ce moment-ci que je veux demander à notre invité. Est-ce que t'as déjà fait ça, toi, la correspondance? Je pense que oui, mais c'est vague et loin. Vague et loin, hein? Dans le temps des MIRC, j'avais, je pense, rencontré un gars. J'étais dans Boss, où il était à Laval, puis on correspondait, puis on sortait ensemble. Est-ce qu'il t'avait envoyé une photo? Ouais. T'étais-tu sûr que c'était lui ou? Non. Tant que le rêve vit. Je pense que ça nous amène, on est rendu à plus de la moitié du show de fait. On va vous offrir un petit 2 minutes de pause, j'ai l'impression. Yannick, quand tu veux. OK, donc, mesdames, messieurs, on a demandé s'il était arrivé, mais il n'était pas arrivé. Maintenant, il est sur place. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir Chinook! Ah ouais, mon Chinook, viens en avant. C'est à ton tour. Un petit break de 2 minutes. Vous pouvez prendre vos rafraîchissements, caler vos affaires. On en profite. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? come from Cotton Eye Joe? Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans Roboflick 2. Vous êtes à l'écoute de 70% avec les guélurons de l'information. C'est nous autres, ça! Est-ce une mélodie divine? Oui. Ou seulement un vieux MP3? On le sait plus, hein? C'est un M, un P, un 3. Cette semaine, Tommy. Oui. Premièrement, je suis blasé. OK? Ouais, je te sens mou. Ouais, ouais. Je suis vraiment blasé cette semaine. Puis, ben, je vous entends être là. Vous êtes nombreux ce soir, et quelque part, ça m'émeut, hein? Allez, alors sachez que si j'avais le temps, ça me ferait plaisir de vous envoyer chier individuellement. Tous égales, tous égales. Merci, allez-y, merci, ensemble. Merci, t'es tellement beau. Voilà. D'ailleurs, je suis allé sur le site du Parti québécois, le PQ, et tantôt, oui, tu peux. Et quand tu ouvres ton dossier, c'est marqué « Mon PQ ». Là, tu cliques là-dessus. Pas étonnant qu'on trouve que c'est un parti de marde. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est que cette semaine, mon fils, Tommy, mon fils est arrivé en courant, tout souriant. Il dit « Papa, j'ai fait ma part pour la solidarité. » Oh! Ça rend un papa fier, ça. Ben ouais, quand même. J'ai dit « Quoi? » Tu sais? Solidarité, tu sais? Faire sa part. Écoute, j'ai swingé dans le vide, mon gars, pendant une demi-heure. Ouais, ouais. Gagner la médaille de bronze. Et là, il m'explique qu'il a été sur le site de Québec solidaire, hein, que j'avais laissé ouvert dans mes onglets. Puis qu'il a cliqué sur l'onglet « Donner contre l'austérité ». Je me suis dit « Il me niaise ». 8 ans, il commence à faire des jokes, un vrai. Et non, il ne me niaisait pas, hein. Fait que je l'ai puni. Deux ans sans manger, dans ta cage! Bon. Il est habitué, il va manger ses boutons. Ouais, c'est une joke de guerre. C'est con. C'est vraiment un con. En tout cas, vous la referez chez vous. Et tu sais, bon, donner pour l'austérité, je me disais, tu sais, c'est qui le moron? Hein? C'est ben, pour vrai, c'est qui le moron? Tu sais, moi, je suis tanné de pas avoir d'argent. Fait que je vais t'en donner, tiens, v'là, 20$. Hein? On se le cachera pas. Tu sais, faut que tu y crois, hein? QS, c'est un peu de la foi, hein? Faut pas... Non, mais à long terme. À long terme, tu sais, c'est un investissement à long terme, on dit ça en économie. Parce qu'à court terme, là, clairement, tu t'appauvris contre l'appauvrissement. Et ça, ça a pas de prix, t'as vu. Et tu le sais, hein, sur le stage, comme dans la salle, pour le reste, il y a... Visa Desjardins, dans mon cas. Ouais, Visa Desjardins. D'ailleurs, je voudrais prendre le temps de saluer Simon, Diane, Nicole et Roali Diktamgli du Centre de recouvrement Desjardins. Mon paiement arrive sous peu. Je le sais que c'est mauvais pour ma cote de crédit. Oui, un paiement minimum dans la grande roue à cash à l'intérieur de mon cul, très certainement. Le plus tôt possible que j'ai répondu. Bien sûr. Voilà. Ma question est, comment t'expliques à ce monde-là que tu payes pas ta carte, mais que ton fils achète le changement à grands coups de solidarité avec? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le pauvre Roy Lee qu'on parlait tantôt, lui, il s'en crisse que tu trouves un côté ironique à ta discussion avec lui, là. C'est comme ça que je vis tous les jours. Tu sais, t'as un regard honnête, mais confiant sur la situation. Tu sais, hey, mon homme, j'en ai rené des business, m'a te montrer comment ça marche. Hey, je suis sur le BS, moi, tu sais. Faudrait quand même pas que tu m'en demandes trop. Parlant de ça, j'ai lu en décembre dernier qu'il y avait au Québec 320 128 ménages recevant de l'aide sociale. Hein? Mais qu'il y avait 444 285 prestataires d'aide sociale. Ah, je t'explique. Une petite soustraction plus tard, hein, on peut dire que 124 157 ménages vivent potentiellement du travail au noir, monsieur le président. Quand est-ce que le ministre d'en face va s'enlever la chaise des yeux et cesser de faire l'autruche? En tant que ministre, mon devoir est d'envoyer un message clair à la population. Jamais, monsieur le président, notre gouvernement n'acceptera l'intimidation faite par ces groupes radicaux. Je parle entre autres de la CSN, la NNH ou encore jamais petit débrouille, monsieur le président. Non, calme-toi, c'était pas super bien acté, là. J'ai pas eu le temps de le pratiquer. Ah, moi, je t'ai trouvé parfait, là. Non, j'ai dégueulé, Tommy. J'ai dégueulé. J'ai dégueulé physiquement, hein, quand j'ai lu ça. Parce que paraîtrait que la moyenne des ménages se situe à 745,85 sur le BS, tu sais. Donc, il y a clairement quelque chose que j'ai pas compris avec mon 646 $, hein. Je tiens à le préciser. Tu sais, le 85 cents, d'où sort-il ce 85 cents-là? On t'augmente de X et 85, pourquoi? C'est genre, tu rentres dans le bureau puis ça fait comme... Ah! 85! Vous êtes allergique à la bactérie mangeuse de chair, vous? Cochez ici! Il y a un supplément de 22,85. Non, je me le demande, sérieux, je me le demande, ouais, Tommy. Pourquoi 85? J'essaye. Pour ceux qui le savent, venez me voir. Je serais très heureux de savoir ça. Je prendrai pas ben plus de temps cette semaine. Il y a beaucoup de gens et de toute façon, faut que j'aille nourrir mon fils. Qui est dans sa cage. Oui, qui est dans sa cage en ce moment. Et il est chanceux, il y a le chauffage à la maison cette semaine. Bon. C'est vrai, c'est vrai. Je voulais juste, en terminant, vous briefer sur mes avancées dans le domaine de ma mission. La semaine passée, j'ai dit que j'avais une mission qui était de découvrir pourquoi c'est la connerie qui mène le monde. C'est un gros dossier. Cressoué. Pesant. Présent. Je dirais imposant. Il goûte, en fait. Il est là. Eh bien, je suis sur une piste. Reste juste à obtenir le droit d'accès à l'information. Et on m'a dit que ça devrait pas être ben long. 2022-2023, je devrais avoir des nouvelles. Tu sais, le délai normal, hein, pour que la marde s'installe comme il faut. Alors, j'ai décidé d'utiliser peut-être une autre technique plus connue qui consiste à sortir dans la rue, hein, et de pacifiquement nous faire entendre par les élus. Ça marche à date, ça a fait ses preuves. On va faire ça tranquille. Écoute, on va prévoir ça à l'avance. On va donner notre itinéraire aux policiers. On va faire ça une fin de semaine pour qu'il y ait le plus de familles possible. Il va y avoir des clowns, de la crème glacée et des ballons pour tout le monde. Tu vas voir quand on va arriver en avant du bureau du premier ministre avec nos doux slogans et nos maquillages de chat. Check-toi, couillard. Le party, il est fini. Et là, on va installer des gros jeux gonflables du ministre Barrette. On va pouvoir aller se promener là-dedans. On va beurrer en dedans pour vraiment faire comme dans son estomac. Tu savais comment mon fils, il l'appelle? Non. Le ministre Barrette de beurre. Oh! C'est beau l'innocence d'un enfant de cet âge-là. Ouais, c'est innocent, Chris. Non, on dit pas que la vérité sort de la bouche des enfants. Voilà, exactement. Voilà. Donc c'est ça, on va gonfler les jeux pour les enfants pendant que les adultes, on va faire des marionnettes de couillard en papier mâché. Ensemble contre l'austérité, Tommy, on va voir c'est qui fait de l'intimidation. Oh, Mathieu Boudreau style. Merci beaucoup, Mathieu. Ah, je t'ai senti vraiment, ouais, aujourd'hui... T'as-tu déjà des semaines comme ça, toi? Je vois que t'avais comme un autre point que tu voulais nous lire sur ta petite feuille. Des semaines où tu te sens un petit peu plus molle, genre, c'est-tu ça, toi? Plus molle? Ouais, mais de quel point tu parles? Non, non, je parle de toi. De moi? Faut que je retourne à ma feuille! Ma feuille! C'est ma seule zone de confort! Parle-nous de ce que tu veux, là. Non, mais, OK, non, mais c'est parce qu'il y a une anecdote que j'ai oublié de parler qui est quand même assez très fréquente, t'sais. Quand les gars, les clients mâles viennent porter leur chat ou leur chien mâle. Les clients mâles. Déformation professionnelle. Les hommes blancs, j'aime tellement Déformation professionnelle totale. Viennent porter leur chat ou leur chien mâle pour la castration. Ils font comme, ouais, ça va faire mal, hein, j'en sais quelque chose. Puis moi, de me retenir et de faire « Ah, oh, t'es castré? » Mais c'est legit, ben oui, ben oui. Mais totalement, là, à chaque fois, c'est... Tu veux dire, il a déjà comme rentré un scalpel dans son sac, lui? Fait qu'il peut en parler. En fait, pour les chats, c'est direct sur le testicule, mais les chiens, c'est pas tout à fait comme ça. Mais je peux vous l'écrire. Peux-tu nous décrire ça? Ouais, ouais. Ça... Ouais! Il y en a qui mangent, là. On va entendre ça. Il y a au moins 70% de la salle qui veulent l'entendre. Ah ouais. Vous êtes vraiment sérieux, là? Ben, on veut la version synthétisée, là. On veut le plus de détails graphiques en le moins de mots possible. Le pire, c'est que j'avais une vidéo. C'est pas ça, le pire. Le pire, c'est les enfants qui crèvent de faim, là. En plus, il y a plein de cadavres de chats qu'on peut pas transformer en bouffe parce que ça ferait de la peine aux petites filles, là. Ben... C'est un plan de match. Ah ouais, non, là, mais... parle-moi. OK, tu veux vraiment savoir comment qu'on... Hey, ça fait combien de fois qu'on dit qu'on veut le savoir, là? Elle aime ça, d'accord, se faire crier. D'accord, elle. D'accord. Pour le chat, c'est direct sur le scrotum, sur le testicule. Donc, j'aurais... Il rentre dedans, genre? T'as-tu besoin d'un aide visuel? T'aimeras pas ça. Non, reste-toi, Bruno. Attends, faut que tu te reproduises. Ah, ça. OK, go. Tiens-moi le micro, s'il te plaît. C'est bon. Ça aussi, il y a des allusions. Fait que... Bon, mettons que ça, c'est le scrotum et le testicule. Pour le chat, c'est vraiment direct. Fait qu'on coupe la peau, on fait sortir le testicule, puis le testicule est entouré de ce qu'on appelle la tunique vaginale. Donc, il faut ouvrir aussi ça. Donc, une fois que ça, c'est ouvert, on sort le testicule, puis on découpe le petit... Bien, on casse, on fait le petit ligament, et on coupe, puis on fait des nœuds, puis on coupe. Ça, c'est le chat. Fait qu'il y a un vagin dans le scrotum. Ben, non, c'est pas un vagin, mais c'est vraiment le terme scientifique. Ça s'appelle comme Et voilà. Puis vaginale. Pour les chiens? Ben, pour les chiens, on va vraiment à côté. Les chiens ont une os dans leur pénis, donc on va vraiment à côté du pénis, carrément. Puis... ah oui, tout à fait. On va faire vraiment l'incision. On va aller comme faire remonter le testicule. Pour le faire sortir, puis on va faire des petits ligaments, on va faire des nœuds avec un fil de suture, puis on va couper. Puis est-ce que vous gardez l'os pour faire un vœu à la fin? Non, ben en fait, l'os, il reste là. C'est juste que pour montrer un peu le pénis, est-ce que... on coupe à côté. Est-ce qu'il y a comme une différence dans le regard de l'animal après? Est-ce que tu vois qu'il est mort un petit peu en dedans? Ben, en fait, pour... Sincèrement, c'est vraiment pendant Vraiment, c'est vraiment le pendant. Si l'anesthésie... Tu vois qu'il est en train de devenir moins que ce qu'il pourrait être. Là, si ça. L'anesthésie est pas assez forte, l'animal va réagir vraiment pendant. Ben, câlisse, t'es en train d'y jouer dans le sac. Peux-tu me tenir ça? J'ai passé de mes deux mains. Non, c'est... mais... Après, c'est fini. Il y en a plus, puis... Ah, voilà, c'est le clown. Et voilà. C'est ça. Ouais. Ben, est-ce que t'en fais beaucoup de ces opérations-là? Moi, légalement, j'ai pas le droit. Ah, OK. Mais t'assistes à pas mal parce que tu trouves ça excitant. C'est le vétérinaire qui va le faire. Il y a certaines techniciennes qui peuvent faire les castrations de chats parce que c'est vraiment très easy, vraiment facile. Au niveau, si on va dans la recherche, là, oui, les techniciennes, vu que c'est pas des animaux de clients, c'est vraiment des animaux recherche, oui, on peut en faire. Et voilà. On apprend à en faire à l'école. Là, donc, Ben, je vous le souhaite. Là. Sinon, si ça n'en fait beaucoup, des chats féraux tu veux à castrer. Castrer toi? Ouais, va y faire un câlin, le clown, ça va y faire du bien. Veux, je pense là, on a besoin d'un. OK, est-ce que c'est, je peux avoir ton canif? C'est notre clown Alan Smithy. Non, il veut pas être castré, il veut un câlin. Là. Lève-toi et touche-le. Sinon, ben, on a une surprise ce soir pour vous. C'est deux gars qui nous viennent du lac Saint-Jean. Je vous donne 3-4 minutes, les gars. Venez faire votre show. Invité. Est-ce qu'ils sont là, porte-lance? You are my guest. On relaxe. Et voilà, ben là, il y a un micro là, fait que faites comme si vous étiez habitué. Salut la gang, ça va bien? Ouais! Ah cool, on en a deux. Cool. Alors, c'est Simon et Andy. OK, pour vrai? Ce serait pas pire. Andy de Seco, ouais, l'autre. T'sais. On a Simon et l'autre des pile-poil. J'ai appris que vous étiez comme en train de transférer vers Montréal. Oui, ben écoute, on a visité des appartements hier et je peux annoncer en grande primeur que je signe un bail demain. Oh, t'es enceinte, ça a pogné! Fait que ça veut dire qu'on va vous voir plus souvent à 70%. Ouais, ben ça va être plus que 3 fois par année, mettons. Et ça, voilà, ça fait qu'on n'a pas besoin de développer trop présentement, tu vas en garder pour plus tard. Ouais, ça, ben écoute, on va garder des surprises, on va laisser le temps faire son œuvre là. Mais 1er avril, je serai officiellement Montréalais. Ah oh, ben Colin, ton père va tellement être déçu. Ah non, ben... Mon ça, père, mon, notre père, ça fait 5 ans qu'il est déçu de nous autres. Parce que... tu vois, il y a une autre étape, là. Ouais, ah, c'est ça. Quoi? C'est ton frère, ça? Ouais, c'est Mathieu. Ah, c'est ouais. Porte-lance numéro 2? Ben, ouais, on peut à dire. À chacun ouais. sa lance aussi, là. Exactement. Ouais, ouais, c'est bon, on c'est peut bon. Dire, au niveau des années, il est numéro 2, mais il est numéro 1 au niveau de la propreté. Ouais. Moi, je pense que c'est une belle entrée dans votre univers. Sinon, ben, pour vous suivre, c'est sur le Troublevoir. Ouais, troublevoir.ca/lespilepoils. Sinon, on a une page Facebook. Pour vous résumer ça, c'est comme du rock et belles oreilles, mais en moins bon. Ah, et voilà! Ça fait donne le goût? Ouais, c'est le fun, hein? Un beau bootleg. Fait que vous allez faire un peu de monde en parle quand vous allez devenir washed out, genre. Un peu, des fois. Ouais, c'est bon. Ouais, par ouais, ben on a aussi un site web qui est vraiment pas actif, mais vous pouvez y aller, c'est lespilepoils.com. Et voilà! Ouais, ben, allez vous asseoir, là, on ouais, va s'en bon. Reparler dans le futur, anyway. Ouais, ça, maintenant, mais c'est ça, mais le site est cool parce qu'il y a des photos puis des informations. Mais c'est sensiblement le même contenu que sur Troublevoir. Exactement. Mais c'est juste pour avoir le nom de domaine parce que non, non, là, il est temps d'aller s'asseoir, là. D'accord. D'accord. Hey, merci au porte-lance. Hey, non, moi, je veux en savoir plus sur le site internet. Hey, tabarnak, ça fait chier à être cool comme ces deux gars-là. Tabarnak, man. Ah ouais, Mathieu, mais il est pas trop tard. Tu peux aller t'asseoir avec. Je pense qu'il reste de la place là-bas. Moi, je les aime. On arrive à la fin de 70%. Retenez votre souffle. Qui c'est qui vient de la Ferté-sous-Jouarre? Simon-Cul-Sonnet! Qui veut la job à tous les Québécois? Simon-Cul-Sonnet! Simon-Cul-Sonnet! Simon-Cul-Sonnet! Simon-Cul-Sonnet! Engagement! Engagement! Salut! Ouais, je sais, ouais, mais c'était pour le premier rang. Bonjour, ça va, ça va, ça va, ça va? Cool. Salut Simon, ouais, ça va, ça va. Super. Putain, un peu comme le nouveau blanc ici. J'ai vu la semaine dernière, je vous avais dit que j'étais addict à certains sports comme les Magic, puis j'ai pu contempler le monde réel, le vrai monde là dont vous faites tous partie, et c'est vraiment passionnant ce qui s'est passé, parce que pile au moment où j'annonce que je me retire des Magic, puis que waouh, c'est cool, je découvre une actualité riche en fibres la semaine dernière. Une putain d'actualité quand même. Je sortais tout juste du film Les Revenants, film français chiant, parce que je disais la semaine dernière que pour se remettre des Magic, rien ne vaut qu'un bon film français. Les Revenants est vraiment à chier, donc je suis sorti tout apesé. Et j'ai appris qu'il y a votre grand pote, votre chef, votre grand schtroumpf qui est chez nous en ce moment. Couillard, ouais. Notre grand schtroumpf, ouais. Oui, le voyage royal décrié par le Figaro. Voilà, j'en ai entendu parler, puis... Puis ça m'a fait me dire, mais les gars... Ça te fait venir. Oui, ça me fait venir. D'accord. Hashtag ouais. Rectal. Hashtag rectal, voyons. À la mode, à la page, on suit les enfants. Alors, disais-je. Oui, voilà, c'est ça, c'est que... Je sais bien que mon pays est un peu en difficulté en ce moment au niveau de la crise, genre de choses, mais... Vous êtes plus avancé que nous sur le recyclage, alors évitez de balancer vos ordures chez nous, les mecs. On en a déjà bien trop. On a commencé avec Garou, puis... Ouais, avec, voilà. Attends, Stéphane Rousseau, tout ça, les mecs. Isabelle Boulay. Et maintenant, Couillard, là, je pense que wow. Ouais. Alors, je sais bien que depuis quelques mois, il y a pas mal de Parisiens qui s'en viennent ici. Ok. Une horde de Parisiens, je sais pas si ça vaut encore Philippe Couillard. Je vais travailler sur la question. C'est sûr que les Parisiens pensent que ça vaut facilement Philippe Couillard, en tout cas. Ouais. C'est ça. Et sinon, j'ai appris aussi la connaissance de ce nouveau sport. Après le Allah Akbarding, le tragique Allah Akbarding, il y a le Bolduking en ce moment. Le Yves Bolduking, qui est un super sport, j'ai cru comprendre. Qui consiste à sodomiser des milliers de gens et de sauter en parachute doré par une fenêtre. J'ai cru comprendre que c'était ça, parce que tu sais, mon cerveau est encore assez brûlé par les émanations de Black Lotus, etc. Mais en fait, histoire de voir d'autres gens, d'autres personnes, parce que Montréal me tient un peu enfermé ici, et il fallait que je trouve un autre endroit plutôt que d'aller face to face à Verdun, le magasin de Magic par excellence. J'ai décidé d'aller à Québec, et pour ça, j'ai fait du covoiturage. Non. Le covoiturage était cool, okay. Mais il m'est arrivé un petit truc assez drôle. Je parlais de ma semi-dépendance que j'essaie de repousser. Et je discutais avec un mec super fin qui avait une dépendance au bridge. Donc, il était fucking smart. Puis on a détaillé nos addictions. Puis c'était vraiment cool. On a bien discuté. Puis, et à un moment, je suis arrivé, j'ai dit, hey, les Magic, tu sais, il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent là-dedans, et un deck de Magic, c'est celui qui a mis le plus de fric, qui a un peu le meilleur, entre guillemets. Et là, le truc, c'est qu'il y avait la covoiturice où... Je suis au Québec, je fais ce que je veux, au niveau de l'orthographe, merci. Et donc, disais-je, il y avait la dame, dont je tairai le nom, qui était à ma droite, et puis au moment où je dis, hey, tu sais, et tout, tu sais, il y a des gens, plutôt que de s'acheter des instruments comme une guitare ou même une bass, ils s'achètent des cartes qui coûtent le prix d'une bass. Une carte coûte le prix d'une bass. Puis, et là, la dame de me dire, ah ben oui, et puis ça, et en plus, il y a bien l'État islamique. Ça compte comme un point Godwin. Exact, et c'est là où je voulais en venir, c'est que ce week-end, j'ai découvert le point charia. Le point charia qui peut être atteint, donc maintenant je viens de découvrir ça. J'ai fait cette découverte dans le trajet Montréal-Québec, donc le point charia. Voilà. Donc, le monde réel est vraiment passionnant à chaque jour. Et shit, vous êtes. Et puis, vous êtes tous beaux ce soir. Vous êtes tous copieux. Sont vraiment vous êtes beaux. Tous copieux. Et puis, je sais pas comment je vais finir cette chronique. Moi, je pense que si tu me permets, j'ai peut-être une question. Vas-y, question. J'ai entendu dire que t'as fait un visionnement à Québec pour Douteux en fin de semaine et que ça l'a très bien été. Exact, Nico. Ça a été vraiment cool. Puis c'était vraiment bien. Ça me fait mentionner à tout le monde ici présent que si vous avez besoin d'un visionnement de douteux, on a plein de VJ motivés et à chaque fois, c'est plaisant. Voilà. J'ai une question. Simon. Bon. Est-ce que tu es en train de dire qu'il y a bien du monde qui exagère à propos de l'islam en ce moment? Oh, il pousse un peu, j'en sais rien, moi, tu sais. Ah. Lui, il a l'humilité pour pas embarquer là-dedans. Non, mais tu sais, parce que ça me fait reposer des questions, moi, là. Sinon, c'est dommage que tu sois blanc, parce que je pense que tu sois blanc maintenant, parce que l'islam, ça va redevenir cool bientôt. Et heureusement que Toto n'est pas là, sinon il m'aurait tué. Je pense qu'il faut qu'on se parle. En tout cas, j'ai fini. Bonne bourre, salut. Hey, merci Simon Cussonnet, tout le monde. Ça vaut la peine que je mentionne que ce soir, il y a un gars que je connais pas, que j'ai rencontré sur un groupe que je connaissais pas. Ça s'appelait le groupe Trading Magic the Gathering et il m'a ramené une trentaine de mes Wall of Wood à moi et je l'ai remercié. Donc, si vous avez des Wall of Wood, c'est à moi. Il y a eu une erreur dans la distribution. N'oubliez pas de me les amener, s'il vous plaît. Sinon, ben, on est vraiment rendu aux portes de la fin du show. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Ah, et je suis de retour pour la fin du spectacle show 70% nouvelles. Ça a bien été, hein, de quitter le plus fier à soi, toi. Je dirais moi. Ouais, on devrait les faire se battre de deux mois. Ouais, je dirais de moi. C'est bon, ça me va. Ouais. J'avoue que t'as été bon. Ouais, Jesse a été pas pire aussi à jouer. Jesse assez bien, elle s'en est bien sortie, effectivement. Mais j'ai posé... Mais meilleure chance la prochaine fois quand même. Effectivement. Let's go. Oui. Alors on s'en va tout de suite à la bonne nouvelle. 70%. Yeah! À chaque fois que tu dis ça, ça me fait quelque chose. Eh bien, tout le monde l'attendait et elle s'en vient. La première course de char sur la Lune! Yeah! C'est pour ça qu'on est allé là, puis c'est ça qu'on s'en va faire. En effet, les États-Unis et le Japon ont annoncé qu'ils planifiaient envoyer leurs robots motorisés sur la Lune pour voyager 500 mètres en streamant des images directes dans nos faces de terriens juicés sur le Red Bull. Bam! La seule règle... D'ailleurs, si vous êtes du genre à fabriquer des robots motorisés à énergie solaire, l'appel est lancé pour participer à la compétition et se partager un grand prix de 20 millions de piastres. Ça va être malade! Aïe, aïe, man. Wow. C'est la nouvelle lunaire la plus weird depuis le gars qui avait inventé un robot qu'en levant des petits tas de terre puis en calculant l'angle de l'ombrage que ça faisait de la pub. Mettons, tu pouvais faire le logo Nike pour simplement monter un petit ourlet de terre. Ça l'aurait fait le logo Nike genre de 9h à 10h à tous les soirs parce que la lune, elle aurait tourné de... Tu sais, des gens qui méritent de mots. Continue, là. Alors, on s'en va dans un dossier de drogue maintenant. Yeah! Laquelle? OK. Il n'a pas dit qu'il n'avait, là. étrange applaudissement. Alors que la personne qui conduisait la voiture de Luis Vasquez venait de passer sur une lumière rouge, une voiture de patrouille s'est lancée à leur poursuite. L'homme de 30 ans a alors décidé de jeter un sac de cocaïne par le toit ouvrant. Sac de cocaïne qui a atterri directement sur le capot de la voiture de patrouille. Le policier a alors ralenti pour ramasser le sac et a continué sa poursuite, arrêtant Vasquez et son acolyte. Il a été accusé, entre autres choses, de possession de drogue, de falsification de preuves et de vraiment pas avoir beaucoup de visu. Ouais, et de passer sa rouge. C'est... connard. God. Hey, puis c'est pas un sachet là, ou un baguette, c'est un... Un sac, non, c'est de quoi payer une opération, son petit frère. Peut-être. Et finalement, un homme de Lincoln, au Nebraska, a été arrêté pour possession de marijuana cette semaine alors que son plan lui semblait si ingénieux. En effet... J'ai hâte, ça va être beau, ça. L'homme avait décidé de transporter sa drogue dans un contenant de crème sûre sur lequel il avait apposé une étiquette portant la mention « Not weed ». « excusez. Après que l'homme ait été arrêté pour une violation du code de la route encore. C'est tout le temps ça. La police a fouillé son véhicule et quand elle a découvert le contenant, ben oui. a quand même décidé ben de, oui, ben oui. de l'ouvrir juste au cas. Alors, il a été arrêté pour conduite en état d'ébriété et possession de marijuana. Aïe. Ah, merci, Bruno. Avec plaisir. Merci, sacrament de calice. Vous rappelez-vous la fois que vous avez été con? C'était bien moins con que ça, là. Tabarnak. Ah, ben, on l'a fait. On a fini? On l'a fait, on l'a fait. Moi, en fait, je vais me lever tranquillement. Je profite de l'instant pour remercier très sincèrement notre technicien en chef, Yannick Lepage, en arrière de la console, là-bas. Ça vaut la peine. On a Élise aussi, qui fait partie de l'équipe Pandaside, qui nous trouve des invités. Très important, ce moment-ci, rapidement. Bruno, Mustapha, Damien, Mathieu, Jean-Sébastien, Andy, Simon Cussonnet. Oui. Et puis, peut-être une toute spéciale pour notre invité de la soirée, Jesse Bouchard, qui a fait mentir pendant un coup 70% que c'était juste un show de pénis. Fait que là-dessus, je me dirige vers les VJ de la soirée. Tom, tita, tom, tita, ta, ta, ta, ta, tam, ta, tam, tita, tam, ta, ta, ta, ta, ta, tam, tam, tam. Ok, on fait ça rapide. Stéphane P, André Forget. Content de te revoir, André? Oh oui, je viens une couple de fois de temps en temps. Là, ben oui. Donc, enfin, je vais présenter des vidéos de mon choix pour les gens ici. Je pense qu'ils ne seront pas déçus. Ben, spécial politique. Focli, on va parler de politique, oui. De religion. De religion, un peu de masculinisme, de féminisme. Mais on va dans les extrêmes, parce qu'évidemment, ça prend le shock factor. Donc, il y a beaucoup d'extrêmes, surtout d'extrême droite. L'extrême gauche, c'est difficile d'être drôle, ils sont surtout plates. On va parler... Oh, oh. Moi, j'étais là quand on a choisi les clips, je sais pas de quoi qu'ils parlent. Fait que... Non, mais laissez André Forget être André Forget un peu. Non, les religions, on bâche toutes les religions, ne vous inquiétez pas. Et pour ce qui est du féminisme, on bâche autant le féminisme que le masculinisme. Inquiétez-vous pas, on fait ses gars. Non, ouais. Laisse-nous décider après ça. Ouais. Une belle sélection. Stéphane P, vous êtes regroupé pour essayer de faire la sélection. Parce qu'on a fait, cette fois-là, au lieu de se prendre une demi-heure chacun, ou une heure chacun, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est rencontrés, on avait 7.5 heures de matériel qu'on a coupé en 3 heures, qu'on a recoupé en 1h40. Fait que vous avez genre le top du top. On va commencer probablement avec un clip de rap anti-laïcité. Alors, on va vous starter ça comme ça. Pis, bon, je vous laisse le contrôle. On a 2 heures faciles de bons clips. Puis après ça, c'est du karaoké. Mesdames, messieurs, les VJ de la soirée, s'il vous plaît. Attendez-vous à avoir des amalgames à profusion. Préparez vos projectiles.